doigts des cendres, qui peut entendre que jour ou l'autre, parmi les cendres, tu aimerais un autre monde au milieu de champs nauséabonds. Tu dois descendre, mais pourquoi faire sauter d'un bond jusqu'en enfer et en silence compter leur chance que tous les jours tu jettes en l'air.